إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، nous sommes toujours donc dans la série de cours, c'est le deuxième aujourd'hui, donc cours numéro 2, d'explicatif des annulatifs de l'islam de Cheikh Mohamed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, à Nawaqid l'islam, avec le sharh de Cheikh Mohamed bin Omar Bazmoul hafidahullah ta'ala. Et on avait dit que, avant de rentrer dans l'explication des 10 annulatifs de l'islam, un par un, inshallah, que le Cheikh se consacrait à un préambule et une introduction où il s'attache, après, comme on a vu dans le premier cours, après avoir défini le mot nawaqid et son origine de maddat nun qaf dad et ses sens, etc. Et avoir expliqué aussi l'importance d'étudier ce sujet et pourquoi Cheikh Mohamed rahimahullah ta'ala il en a cité que 10, etc. On avait dit qu'après cela, il s'attachait à rapporter 15 règles dans le takfir. 15 règles, ce qu'on appelle dawabit. Et on avait vu al-dawabit al-awwal. Et on avait vu que al-dawabit al-awwal c'était quoi? Al-takfir haqqu lillahi ta'ala wa li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Que le takfir c'est un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. On a vu qu'est-ce que ça voulait dire. Et donc aujourd'hui on commence, et on terminera pas parce que c'est un chapitre très long, wallahu alam, la deuxième règle qui est al-dawabit al-thani. Et donc Cheikh Mohamed Bazmoul hafidahullah ta'ala, il dit al-dabit al-thani al-kufru naw'ani. An al-kufra naw'ani. Awwal aw yani an-naw' al-awwal kufrun asghar la yukhrij min al-millah. Wa al-thani kufrun akbar yukhrij min al-millah wa sahibuhu tarikun li dinihi mufariqun lil jama'ati wa huwa al-murtad. Wa qad ja'a fi ahaditha kathiratin وصف بعض الأعمال أنها كفر وقد يفعلها المسلم فتكون معصية كبيرة ولا يخرج بها من الملة. La deuxième règle du takfir parmi les 15 qu'on va citer inshallah ta'ala dans tous ces cours, c'est la mécréance, al-kufr, est de deux types. On avait déjà vu ça, et c'est pour ça que je voulais aussi apporter un point aujourd'hui qui est important, c'est que vous voyez l'importance de suivre les cours. Pour les frères qui ont déjà fait Usul Sunnah, qui ont déjà fait peut-être, surtout dans Usul Sunnah, qu'on a parlé de l'kufr, on a parlé de l'iman, on a parlé de toutes ces choses-là, on a même rapporté la position des gens de la Sunnah et du consensus sur celui qui commet un grand péché, c'est-à-dire Murtakib al-Kabira. On avait parlé de c'était quoi Nafi l'iman et de comment les ulama l'ont compris. Est-ce que c'est la négation de la complétion de la foi, ou c'est la négation de la foi complètement, et quand c'est l'un et quand c'est l'autre, etc. Donc c'est des notions qui aident à comprendre aujourd'hui. Parce que c'est de ça qu'on va parler encore une fois aujourd'hui, inshallah. Et il dit, la mécréance, al-kufr, est de deux types. La mécréance est de deux types. Le premier type, c'est la mécréance mineure, al-kufr al-asghar, qui ne fait pas sortir la personne de l'islam. Le deuxième type, c'est la mécréance majeure qui fait sortir la personne de l'islam, et celui qui la commet aura laissé sa religion et se sera dissocié du groupe des musulmans. Et c'est ce qu'on appelle, comme on a déjà vu dans les cours précédents, surtout de Usul Sunnah, on a dit que c'était Al-Murtad. Hein? C'est-à-dire quoi? L'apostat en français. On a vu dans le cours précédent le mot Ridda aussi, hein? Apostasie. Donc celui qui est un apostat, Al-Murtad. Et puis le Cheikh, il dit, vous demandez d'être très concentré aujourd'hui parce que c'est un peu technique, c'est pas difficile, mais c'est un peu technique. Il dit, وَمِنَ النُّصُوصِ الَّتِي وَصَفَ فيها أو وصف فيها فاعل بعض الأعمال بالكفر، ومن النصوص التي وصف فيها فاعل بعض الأعمال بالكفر أو الشرك أو أن فيه جاهلية. Donc ici maintenant on va se consacrer à étudier quelque chose. Et le Cheikh il dit quoi? Il dit il y a beaucoup de hadith, il y a dans beaucoup de hadith, le hadith c'est quoi? C'est le pluriel de un hadith. Alors, vous allez dire pourquoi il dit ça? On sait bien qu'est-ce qu'il a dit ça. Un hadith, j'aime un hadith. Ouama ou le hadith. Toi tu dois savoir toi. Tu te rappelles plus la définition? T'as oublié? Hein? Qui connaît la définition d'un hadith? C'est quoi un hadith? Et à Al-Sunnah, c'est quoi un hadith? Ma udifa ila al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin, ou fi'lin, ou taqririn, ou sifa khalqiyya, ou sifa khuluqiyya. Retenez la définition. Et je vous donne la référence, Inch'Allah, pour l'étudier, Inch'Allah, ça va? Ce qui est attribué au prophète alayhi salatu wa sallam comme parole ou action ou. On avait traduit ça une fois par approbation, vous vous souvenez ça, taqrir, hein? Approbation ou description physique ou comportementale. Je vous donne une référence. Min atyab al-minah fi ilm al-mustalah de Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad et Cheikh Abdel Karim Mourad. C'est un livre qui a été écrit pour les frères qui peut-être ont ça à la maison. Vous avez des livres qui sont donnés par l'université de Médine aux étudiants. Vous avez les niveaux de Médine en arabe, etc. Vous avez d'autres livres qui sont donnés, notamment Moudakirat al-Hadith Nabawi Sharif de Cheikh Rabi'a qu'on a fait, parce qu'il est écrit pour les étudiants de l'université de Médine, d'accord? Et vous avez, d'ailleurs, dans certaines fois, il imprime dans le même tome. Et moi, à la maison, je l'ai dans le même tome. Et il y a un livre dans le Mustalah. Et c'est celui-là. Min Atiyab al-Minah. Et d'ailleurs, Cheikh Sohemi conseille celui-là pour un premier livre à étudier dans le Mustalah, parce qu'il est facilité. Hein? Il est écrit par Cheikh Mohsin Al-Abbad et Cheikh Abdel Karim Mourad. Vous connaissez Cheikh Mohsin Al-Abbad ou pas? Tout le monde? Vous connaissez Cheikh Abdel Karim Mourad? Non. Eh bien, Abdel Karim Mourad et Cheikh Mohsin Al-Abbad, tous les deux étaient enseignants au département des hautes études à l'université de Médine. Cheikh Abdel Karim Mourad, il fait partie du shur de Cheikh Falah Ismail. Il en a parlé ici dans cette mosquée. Vous vous souvenez ou pas? Quand est-ce qu'il en a parlé? Hein? Il en a parlé quand il a parlé Jama'a Tablir. Pourquoi? Je vous raconte l'histoire vite ou pas? Hein? À la Kouli Hal, Cheikh Falah Ismail, quand il est retourné au Koweït après ses études, hein, son père, il était content, etc. Il a invité quelques personnes, etc. Il y avait quelqu'un qui était là, qui lui a demandé, hein, est-ce que tu as été à Médine, est-ce que tu as connu Cheikh Saïd là-bas? Cheikh, il a dit, Cheikh Saïd, je ne connais pas, je connais Cheikh Hamel Ansari, je connais Cheikh Mohsin Al-Abbad, je connais Cheikh Mohamed Aman. Cheikh Rabi, je connais Cheikh Al-Albani, Shinqiti, je ne connais pas Cheikh Saïd. Tu ne connais pas Cheikh Saïd? Il lui a dit, hein? Il dit, khalas, Annie, t'as rien fait à Médine, toi, t'es. Hein? En fait, c'était qui? C'est l'Amir Jama'a Tablir à Médine. Évidemment, Cheikh Falah, il a rapporté toute cette histoire. Pourquoi? Et vous allez comprendre dans un instant. Les Tablir, surtout quand vous allez dans les pays arabes, etc., eh bien, ils ont toujours un papier en poche prêt pour vous, pour les salafis. C'est quoi? C'est la Tazkiyat sur Ibn Baz. Hein? Et il l'a sorti à Cheikh Falah Ismail, il a dit, regardez ce que ton Cheikh dit sur nous, Cheikh Ben Baz. Et Cheikh Falah Ismail est étonné parce qu'il avait reconnu le cachet de Cheikh Ben Baz, rahmatullah alayh. Il a dit, Cheikh Ben Baz, qu'est-ce qu'il a fait Cheikh Falah Ismail? Il est retourné à Médine, il a demandé un rendez-vous d'urgence avec Cheikh Ben Baz, rahmatullah. Il a dit, demain, Inch'Allah, tu viens à mon bureau. Et le lendemain, Cheikh Falah Ismail, il a été chez Cheikh Ben Baz, il lui a dit, Cheikh, j'ai vu un papier de vous avec votre cachet officiel, hein, une tazkiya, une recommandation pour Jama'at Tablir. Il a dit, naam, il a dit, va demander à ton cheikh. Il a dit, c'est vrai, va demander à ton cheikh. C'est qui le cheikh? Mohamed Aman Jami. Alors, cheikh Falah, il comprenait encore moins. Cheikh Mohamed Aman, hein? Cheikh Ben Baz, puis cheikh Mohamed Aman, il comprenait pas. Il a dit, va demander, il va t'expliquer. Cheikh Falah Ismail, il était chez cheikh Mohamed Aman Jami, rahmatullah alayh. Il lui a dit naam. Il lui a expliqué, c'est pour ça que je pas rapporte cette histoire ici, par rapport à Cheikh Abdel Karim Mourad. Cheikh Abdel Karim Mourad, c'est un Cheikh, si je me souviens bien, qui est indien. Et Cheikh Falah Ismail a dit qu'il connaissait presque les livres de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah par cœur, rahimahullah. Hein? C'est un Cheikh Salafi, rahimahullah. Et Cheikh Ben Baz, quand les Jama'at Tablir sont venus chez lui, qu'ils ont voulu une tazkiya, hein, on les a fait, hein, comme ils font d'habitude, c'est des grands acteurs. C'est pour ça que Cheikh Falah il a rapporté cette histoire, pour montrer en fait que c'était ils avaient une qualité des acteurs, qui n'est pas une qualité en soi, mais une caractéristique plutôt d'être des grands acteurs. Hein. et de pouvoir jouer un rôle en fonction de la personne qu'ils ont en face d'eux. Et donc, Cheikh Ben Baz, il avait envoyé Cheikh Mohamed Aman et Cheikh Abdelkrim Mourad dans leur pays pour voir, et pour voir sur quoi ils étaient, etc., pour voir s'ils pouvaient leur donner une tesquia ou pas. Et il leur a mis comme condition, il leur a dit, ne prévenez personne. Donc c'est qui les inspecteurs qui vont voir? Deux grands chouïrs, Cheikh Mohamed Aman et Cheikh Abdelkrim Mourad, ce Cheikh-là. Hein? Ils sont partis, et quand ils sont arrivés, ils ont vu une masse à l'aéroport qui les attendait avec des banderoles, etc. Hein? Et Cheikh Mohamed Aman Jamin, il a dit à Cheikh Abdelkrim Mourad, il a dit, c'est toi qui les as prévenus? Il a dit, non, Wallah, c'est pas moi. Cheikh Abdelkrim Mourad a dit, c'est toi qui les as prévenus? Il a dit, non, c'est pas moi qui les ai prévenus. Il a dit, c'est qui? Hein? Et en fait, par après, ils ont su que c'était quelqu'un qui était dans le secrétariat de Cheikh Ben Baz, hein, qui était avec Jamaat Tabir, qui les a prévenus. Hein? Et donc, ils ont été visiter les centres de Jamaat Tabir. Premier centre, ils ont trouvé Sahih al-Bukhari. Deuxième centre, ils ont trouvé un cercle d'études de Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Aqidat Tahawiyya, Kitab Tuhid, tous les livres de la Sunna. Hein? Pendant la période de peut-être deux semaines qu'ils sont restés sur place, ils ont vu que. Quels les livres de la Sunna enseignés, le Tawhid, la Sunna, etc. Hein? Et donc, vous voyez que Al-Bida', ils n'ont pas d'insaf, mais Al-Sunna, ils ont l'insaf, ils sont juste Al-Sunna. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Cheikh Mohamed Amel Jami Abdelkrim Mourad? Ils ont dit ce qu'ils ont vu, ils n'ont rien dit de plus, rien de moins. Hein? Et donc, Cheikh Belbaz, rahimahullah, il leur a donné cette tesquia. Mais ils ne sont pas justes, comme je l'ai dit, alors qu'Al-Sunna, ils sont justes. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que Cheikh Belbaz, il a fait une autre fatwa après qui abroge la première. Et la fatwa, elle est très connue, vous pouvez l'entendre en audio, vous pouvez la trouver dans Majmou' al-Fatawa de Cheikh Ben Baz, comme quoi Jama'at Tabligh et les Ikhwan Muslimin font partie des 72 sectes égarées. Mais ça, ils ne veulent pas l'accepter, hein, et ils la cachent surtout à leurs suiveurs, etc. Et même si tu leur montres, etc., ils ne la prennent pas, et ça prouve qu'ils n'ont pas d'insaf. Donc, juste pour vous dire un peu, c'était qui ce Cheikh Abdelkrim Mourad, hein, et quand Cheikh Falah nous en a parlé, c'est par rapport à cette histoire. Donc, Cheikh Abdelkrim Mourad, il enseignait à l'université de Médine, rahimahullahu ta'ala. Donc c'est quoi, on a dit le hadith, la définition du hadith, c'est « ma udhifa ila al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam », ce qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole ou action ou approbation ou description physique ou comportementale. Un nasiha de ma part, les frères, en tant que salafi, ça c'est des notions de base. Si on se revendique des gens de la sunna, si on ne sait pas définir c'est quoi la sunna, si on ne sait pas définir c'est quoi un hadith, si y a un problème. Yani chacun prend la nasiha. Moi, j'ai fait ma nasiha. Wallahu waliyut tawfiq. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici par rapport au reste? Ahadith, il y a dans beaucoup de ahadith une description d'action comme étant une mécréance. Donc, vous suivez le contexte ici, d'accord? Hein? Il y a beaucoup de ahadith, dans beaucoup de ahadith, une description d'action comme étant quoi? Une mécréance, un kufr. Et il se peut que le musulman en commette. C'est qui commet, on a dit? C'est le musulman. Et c'est donc une grande désobéissance. Mais il ne sort pas de l'islam à cause de cela. Ça, c'est une notion qui doit déjà être familière pour vous. Qui se me donne un exemple dans un hadith, par exemple, directement avant qu'on rentre dans tous les hadiths, où il y a le nom de mécréance qui est cité, et si un musulman le commet, pourtant il ne sort pas de l'islam. Sibal muslim. Sibal muslim. Waqtalu kufr. Ahsant. Le fait d'insulter un musulman est une perversité, et de le tuer est une... Mécréance. Alors maintenant, vous êtes des spécialistes, vous pouvez directement dire que on sait très bien que c'est pas la grande mécréance, sauf celui qui croit que c'est licite, hein, d'accord? Eh bien, c'est quoi? Pourquoi? En fonction du verset de Sourate. Ah, j'ai dit, vous êtes censé des spécialistes, hein? Non. Wa inshallah. Vas-y, change-le. On va vite changer le micro parce qu'apparemment. C'est celui-là qu'il a mis. Et puis, Cheikh, il dit, parmi les textes qui donnent à la personne qui commet certaines actions un attribut de mécréance ou d'association, de kufr ou de shirk, ou qu'il possède de la jahiliya. Et puis il va citer maintenant quoi? Des textes, des ahadiths. Que des ahadiths. Il y en a pas mal. Alors jahiliya en référence à quelle période? La période pré-islamique. D'accord? Eh bien, le premier, il dit, عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. C'est un hadith qu'on a déjà vu. Pour les frères qui n'ont pas le livre, par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure, j'en ai commandé 50 et demain ils seront envoyés par DHL, inshallah. Donc ils seront peut-être disponibles pour le cours prochain, inshallah. Essentiellement pour les frères et les sœurs de Birmingham. Après, s'il en reste, on pourra peut-être en envoyer aux gens qui nous écoutent dans les autres pays, inshallah. Donc on a dit quoi ? An Jarir ibn Abdillah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala fi hajjat al-wada' istansit an-nas fa qala la tarji'u kuffaran yadribu ba'dukum riqab ba'd. C'est un hadith muttafaqun alayh. D'après Jarir ibn Abdillah, qala l'agré que le prophète sallallahu alayhi wasallam lui a dit lors du pèlerinage d'adieu, ordonne aux gens de se taire. Hein? Dans certaines riwayat c'est ansat an-nas, c'est que lui-même il l'a fait alayhi salatu wasallam. On va pas rentrer trop dans le détail, etc. Mais il y a un très bon livre que je vous conseille. C'est l'explication, c'est Nuzhat al-Qari, Bisharhi, Kitab al-Ilm, Sahih al-Bukhari, de Sheikh Zayd al-Madkhali. Hein? Et il y a un chapitre dans le Bukhari qui consacrait un livre entier qui consacrait à la science. Et Sheikh Zayd, il explique ce chapitre-là. Vous allez voir le titre du chapitre. Le titre du chapitre, c'est Livre de la science, chapitre de se taire pour les savants. Hein? Regardez le titre. Chapitre de se taire pour le savant. Et Cheikh Zayd, il dit que c'est pour le savant ou l'enseignant ou un dars, hein, ou quoi que ce soit, ou la lecture du Coran, le fait de se taire pour écouter. Et il explique cela, etc. Allez, si vous êtes curieux, allez voir, Inch'Allah. Ordonne aux gens de se taire, puis il dit, ne redevenez pas mécréants après moi, les uns tranchant les coups des autres. Donc c'est quoi le mot qui est utilisé ici? Kuffar, mécréant. On a vu dans un des dars précédents dans Usul Sunnah, hein, qu'est-ce que ça voulait dire le mot mécréant ici? Et quand comme j'ai traduit « Istan Siti Nas » ordonne aux gens de se taire, c'est en fonction de l'explication des Cheikh Mohamed ibn Ali ibn Adam al-Ethiopie dans son explication de Sahih Muslim, volume 2, page 445-446. Il va y avoir beaucoup d'annotations, c'est pour ça que je dis que c'est très technique, parce que tous les hadiths, j'étais obligé de revenir avec, hein, à toutes les explications, expliquer des fois terme par terme, pour que ce soit clair en français aussi, Inch'Allah. Je vous donne la référence du hadith, rapporté par Al-Bukhari dans son authentique, dans son Sahih, livre de la science, chapitre de se taire pour les savants, numéro 121. Et la formulation est la sienne. Wallahu lahu. Et rapporté par Muslim dans son authentique aussi, livre de la foi. Chapitre de l'explication de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne redevenez après, pas après moi mécréant, numéro 65. Vous voyez que le titre du chapitre, il est déjà clair. Donc le premier hadith, c'est qui qu'on suit? Qu'on suive un peu le cours. C'est qui, le hadith de qui? De qui? Jarir ibn Abdillah. Hadith par rapport à quoi? C'est quoi le titre du chapitre maintenant on va, ou du point où on va citer tous ces hadiths-là? De quoi on parle? Des hadiths qui quoi? Hein? Si vous savez pas, c'est que vous avez pas suivi le cours. Ou vous avez pas compris. Un des deux, il faut qu'on garde bien ça en tête. Donc c'est quoi ici les hadiths? De quoi on parle ici? Parce qu'on va en citer beaucoup. Donc ça c'est le premier. De quoi on parle ici? On a dit des hadiths, quoi? Où une personne a un attribut de quoi? Qui commet certaines actions comme un attribut de mécréance, ou d'association, ou du jahiliya. Et maintenant, on va citer des hadiths. Donc, le premier ici, c'est quel attribut? Le kufr. Deuxième hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به عفوا أحدهما. D'après Abu Huraira radhiyallahu anhu arda, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'homme dit à son frère, ô mécréant, la parole revient sur l'un des deux. D'accord? Et c'est rapporté par Al-Bukhari dans son authentique livre de bienséance, Kitab al-Adab, chapitre de celui qui juge son frère mécréant sans interprétation, il est alors comme il l'a dit. Numéro 6103. Donc premier hadith c'est qui? Jarir ibn Abdillah. Deuxième, Abu Huraira. Premier, il est Muttafaq alayh. Le deuxième, il est dans quel livre? Le Bukhari. Encore un autre hadith d'Abu Huraira aussi. D'après Abu Huraira, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. Pour les frères qui veulent les notes de la, du cours de la semaine passée, ils sont déjà sur, peut-être sur Sunna Publication et ils seront sur notre site dans les heures qui viennent ou les jours qui viennent, Inch'Allah. On va essayer de faire ça chaque fois pour chaque cours, d'après le cours de chaque fois remettre les notes parce que je revois et des fois je change des choses, etc. Par exemple, un point que je voulais faire par rapport au... Vous vous rappelez la parole de l'imam Shatibi la semaine passée? Quand est-ce qu'on a passé une parole de l'imam Shatibi? Par rapport aux 5 rams d'aruriyat qui sont quoi? La préservation de la religion? De? Ouais, la religion, ouais. Ouais, l'aql. Ouais, la raison. Nasab, la filiation ou la généalogie. Et ouais. On a cité un autre, hein? Al-mal, les biens et al-nafs. Mais j'avais cité une parole, il avait dit, qala Shatibi, tafaqat al-ummatu bel sa'ir al-milal ala anna shari'ata wudi'at al-muhafadati ala daruriyat al-khams. Et j'avais traduit par la communauté est unanime, mais de plus tous les groupes. Et j'avais fait exprès de traduire ça comme ça parce que je voulais traduire ça par toutes les communautés et j'ai hésité. Et hier, ce que j'ai fait, j'ai trouvé le charh de Cheikh Abdallah Roudayan de Mouafaqat de Shatibi. J'ai dû écouter presque 5 cassettes hein, pour trouver cette parole-là à la page 38. Et il a dit toutes les communautés. Donc j'ai rechangé ça. Vous comprenez pourquoi c'est important de prendre chaque fois mes notes après pour toutes les communautés hein, parce qu'il a dit toutes les communautés et tous les messagers hein, étaient d'accord là-dessus sur le fait que la législation est venue pour préserver ces 5 nécessités, ces 5 daruriyat. Retournez aux notes que j'ai écrites. Mais juste pour vous donner une raison en plus hein, pour lire les notes à chaque fois, surtout après. Parce que des fois, j'ai pas le temps, etc. Donc, quand j'ai un peu plus le temps, je fais les choses des fois un peu plus en profondeur, etc. Et c'est la cassette 4 de Al-Muwafaqat de Shatibi de Cheikh Abdallah Roudayan, rahimahullah ta'ala. On continue. Donc, on a dit quoi? Que le hadith d'Abu Huraira, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit deux choses chez les gens qui sont de la mécréance, dénigrer la généalogie de quelqu'un et se lamenter au sujet d'un mort. Ce qu'on appelle niyahatu. C'est un hadith qui est rapporté par Muslim dans son authentique livre de la foi, chapitre de donner, écoutez le chapitre, hein, chapitre de donner le nom de mécréance sur le fait de dénigrer la généalogie de quelqu'un et de se lamenter au sujet de la mort de quelqu'un, numéro 67. Après, ce qu'il va faire le cheikh ici, ça fait partie de son bon enseignement, il va citer tous des hadiths, nous on va les traduire et déjà en partie les expliquer par la traduction, mais à la fin il va expliquer tous ces hadiths et quelle est la position des gens de la Sunna par rapport à tous ces hadiths, en rapportant la parole d'un savant qui s'appelle Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam, qui a écrit un livre qui est très connu, j'en ai déjà parlé dans un de mes cours, qui est Kitab al-Iman. Et Cheikh Al-Albani a fait un tahqiq de ce livre-là. C'est un des livres qui compile la croyance des gens de la Sunna du consensus, en tout ce qui touche la foi et l'Iman. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. D'après Ibn Omar, qu'Allah les agrée tous deux, qu'il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure par autre qu'Allah aura associé. Et il est rapporté par Ahmed dans son Musnad, volume 2, page 87, et 125, ou numéro 87 et 125, et Abu Daoud dans Sunan 3251, et At-Tirmidhi, numéro 1535. Et la formulation d'Abu Daoud, elle est la suivante. C'est-à-dire que quoi? On a dit qu'il est rapporté d'Abu Daoud. Hein? Et la formulation d'Abu Daoud est la suivante. Écoutez celle-là. Et il dit, وَلَفْضُ أَبِي دَاوُدَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعَ بْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَحْلِفْ لَا وَالْكَعْبَةَ فَقَالَ لَهُ بْنُ عُمَرَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولْ مَنْ حَلَفَ بِغِيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ. Et la formulation d'Abu Daoud est la suivante, d'après Sa'd ibn Ubaidah qui l'a dit, Ibn Omar entendit un homme jurer en disant non par la Kaaba. Ibn Omar lui dit alors, j'ai certes entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui jure par autre qu'Allah aura associé. Tirmidhi l'a aussi rapporté avec une formulation, écoutez ça aussi, wa qad awrada at-Tirmidhi al-hadith bil-lafd an Sa'd ibn Ubaidah anna Ibn Omar sami'a rajulan yaqul la wal Kaaba. فقال ابن عمر لا يحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والحديث قال أبو عيسى سكي أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن. والصحيح الألباني في صحيح سنن أبي داود و et puis il a rapporté un peu sur le hadith, mais ce qui nous intéresse c'est que Cheikh l'Albani rahimahullah il a rapporté qu'il était authentique. Pourquoi je pose des questions, les frères, c'est pas pour vous mettre mal à l'aise, mais c'est pour vous faire travailler la matière, hein. Et c'est ce que font tous les mashayikh. Et c'est pour susciter un intérêt. Et si vous trouvez des fois que ça ne va pas répondre à des questions, etc., ben c'est une nasiha aussi, inshallah. Et Tirmidhi l'a rapporté avec la formulation suivante, d'après Sa'd ibn Ubaida, qu'Ibn Omar a entendu un homme dire non par la Kaaba. Ibn Omar lui dit alors, on ne jure pas par autre qu'Allah. Car j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui jure par autre qu'Allah a certes mécru ou associé. Et Abu Isa al-Tirmidhi, c'est-à-dire Tirmidhi lui-même, c'est sa kunya, Abu Isa al-Tirmidhi, a dit au sujet de ce hadith, c'est un hadith jugé bon, hasan. Alors pour la définition du hadith hasan et ses différents types, je vous renvoie au même livre que tout à l'heure, de qui? Cheikh Marcel Abad et Cheikh Abdel Karim Mourad, page 15 et suivante, ça va? Min atyabil minah fi ilm mustalah. Maintenant si un frère il l'a pas et qu'il le veut, je vais voir si j'ai pas une copie en plus à la maison, inshallah. Ou on le photocopie et vous faites passer les uns les autres, inshallah. Je suis presque même sûr qu'on peut le trouver sur internet en PDF ou... Non? T'as déjà regardé? Eh bien, je te le donne et tu le photocopies. Tu le donnes aux frères, inshallah. Ça. Il n'y a pas beaucoup de pages, donc... Donc on a dit le premier hadith, c'était quoi? Le hadith de qui? Jarir ibn Abdillah, deuxième. Abu Hurayra, troisième. Abu Hurayra, quatrième. Ibn Omar, hein, radhi Allah anhuma. Un autre hadith, Ani al-Ma'ruri ibn Suwayd, qala, لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألت عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. Et d'après Al-Ma'rour ibn Suwayd qui l'a dit, j'ai rencontré Abu Dharr à Al-Rabadah, Al-Rabadah, qui portait une hulla. Et son serviteur portait une hulla. Alors c'est quoi une hulla? Ça, il convient d'expliquer ce que ça veut dire, hein. Dans certaines riwayat, il a rapporté quoi, un autre mot qu'on utilise là, hein, bourd. C'est un bourd en arabe. On avait déjà parlé de le bourd dans la dora que j'avais fait sur quand j'avais fait marhaban bi talib al-ilm, qu'on avait dit qu'il était venu chez lui alors qu'il était wa muttakun ala bourdin ahmar lahu. Hein? Une hulla, c'est quoi le hulla? C'est un vêtement composé de deux pièces, comme l'a dit l'imam Nawawi rahimahullah. Donc retenez ça, le hulla. C'est quoi? Un vêtement composé de deux pièces. Pour me faire les choses simples. Parce que les ulama, ils ont expliqué pourquoi dans une riwaya bourd, dans une autre riwaya ya hulla, hein, etc. Ils ont bien expliqué cela. Mais comme j'ai dit, on ne veut pas rentrer trop dans le détail. Je répète le hadith pour que suivez le fil. J'ai rencontré Abu Dharr à Al-Rabada qui portait une hulla. Et son serviteur portait une hulla, yani le ghulam. Je le questionnais alors à ce sujet, il dit, j'ai insulté un homme en dénigrant sa mère. Dans certaines riwayes, il expliquait qu'en dénigrant comment? En disant, Ibn al-Sawda, au fils de la noire. Comme cela est rapporté dans une des versions du hadith, et voir l'explication authentique de muslim de Cheikh Mohamed Al-Amin Ibn Abdil Al-Urmi Al-Alawi Al-Harari, volume 18, page 268. C'est-à-dire quoi? Qu'il lui a dit quoi? Hein? Ibn al-Sawda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, oh Abu Dharr, l'as-tu insulté par sa mère? Tu es un individu qui a une caractéristique de la jahiliya. J'ai traduit caractéristique de manière, hein, parce que je voulais traduire par caractéristique. Tu es un individu qui a une caractéristique de la jahiliya en fonction du sharh du hadith. Ils sont vos frères et vos serviteurs qu'Allah a placés sur votre protection, sous votre protection. Celui donc à qui son frère, qui a son frère sous sa protection, qui le nourrisse de ce qu'il mange lui-même et le vêtisse de ce dont il se vêtit lui-même. Et ne leur donnez pas de charges dont ils n'ont pas la capacité de s'acquitter. Et si vous le faites, alors aidez-les. Et comme la sunna, hein, elle comprend tout ce qu'on a besoin dans notre vie. Alors, comme on a dit ici, une caractéristique de la jahiliya, eh bien, c'est qui est d'insulter quelqu'un par sa mère. Et je vous renvoie à la même référence que je viens de citer dans l'explication de Sahih Muslim. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari dans son authentique livre de la foi, chapitre des désobéissances parmi les choses de la jahiliya. Et celui qui les commet ne sort pas de l'islam. Donc ici, dans les premiers hadiths, on avait quoi le mot? Kufr. Et le mot aussi quoi? Shirk, ahsan. Et le mot aussi maintenant? Jahiliya. Par rapport à ce qu'il a dit Shirk, il a cité des hadiths hein, où il est décrit de telle manière, d'accord? Pour que suivez le fil. Donc regardez le titre du chapitre comme il est clair. Chapitre des désobéissances parmi les choses de la jahiliya. Et celui qui les commet ne sort pas de l'islam. Hadith numéro 30. Et Muslim dans son authentique livre des serments. Et si vous avez quelqu'un a un livre, si tu as le livre ou pas? Il est marqué Kitab al-Iman. C'est faux, c'est Kitab al-Ayman. Les serments. Parce que Kitab al-Iman, c'est le premier chapitre. Le Kitab al-Ayman, il est beaucoup plus loin. C'est chapitre des serments, pas chapitre de la foi. Livre de la foi. C'est livre des serments, al-Ayman. Il y a une faute de frappe ici. Chapitre de nourrir le serviteur de sa propre nourriture et de le vêtir de ce dont on se vêtit soi-même et de ne pas lui donner des charges trop lourdes. Hadith numéro 1661. On arrive petit à petit à la fin des hadiths. Il y en a encore pas mal, mais, hein. وعن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله السلفي ها إلى سلا جامي دانتوندغ دي حديث أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. On va expliquer tout ça, ce que ça veut dire, Inch'Allah, ne vous inquiétez pas. D'après Abu Malik al-Ash'ari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quatre choses se retrouvent dans ma communauté parmi les choses de quoi? De la jahiliya. Qu'ils ne délaisseront pas. Et puis il les a énumérés. C'est se vanter des mérites des aïeux. Al-Fakhru bil-Ahsab. Al-Ta'nu fil-Ansab, dénigrer la généalogie des gens. Ensuite, attribuer la pluie au mouvement des étoiles. Elle s'y sera une nujum. Et ensuite, et la lamentation au sujet d'un mort. Al-Niyahatu al-Mayyit. Et il dit, alayhi salatu wassalam, celle qui se lamente, si elle ne se repent pas avant sa mort, elle sera ressuscitée le jour du jugement avec sur elle une tunique de goudron. Qatiran, et une armure de gale. Vous connaissez la gale, la maladie, hein? On va faire un point par rapport à ça, Inch'Allah. Il faut, je sais pas si, pour les frères du Sénégal ou d'autres pays ici, mais au Maghreb, on a beaucoup ça dans les, quand il y a, hein, il y a un mort dans la famille, etc., hein, il y a certaines femmes qui, même certaines femmes, les adoubillahs, qui sont payées pour ça. Hein, les pleureuses. Vous avez ça aussi? Hein, et qui, les femmes, elles ont une réaction de quoi? De ça, c'est un tasakhout, en fait. Hein? C'est le fait de ne pas accepter, etc. Qu'est-ce qu'elles font? Elles se tapent les joues, elles se griffent, elles se déchirent les... On va voir des hadiths par rapport au fait de se déchirer les poches et de se taper les joues, etc. Hein? Faut savoir que ça, c'est interdit. On ne parle pas ici du simple fait de pleurer, hein, pour bien que vous compreniez, d'accord? Et le hadith, il est rapporté par Muslim dans son authentique numéro 934. Donc si vous connaissez des gens maintenant dans votre famille qui ont ce genre de réaction, etc., lisez-leur le hadith, tout simplement. Comme Ibn Omar, quand il a entendu quelqu'un jurer par autre qu'Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rapporté, j'ai entendu le messager d'Allah, il a dit, etc. C'est comme ça que Salafi doit réagir dans son entourage. Dès qu'il voit quelque chose, qu'il entend quelque chose, il cite la preuve par rapport à cette chose-là. Alors ici, par rapport à la tunique de goudron et une armure de gale. Et par rapport à même avant dans le hadith. Le hadith, c'est qui est dans le hadith ici? C'est Abu Dar, d'accord? Suivez ou pas? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit quoi? Inna kamru'un fika jahiliyatun. Tu es un individu qui a une caractéristique de la jahiliya. On a vu c'était quoi cette caractéristique-là. D'accord? Maintenant, Ibn Hazar, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ça? Dans le Fath, Fath al-Bari. Quelle explication de quoi? Sahih al-Bukhari. Hein? pour les frères, vous voyez que les frères, alhamdoulilah, qui assistent depuis des années au cours, ces notions, elles commencent à être connues. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas vous inquiéter si des fois c'est un peu difficile au début, ou qu'il y a des livres que vous ne connaissez pas, ou des noms de ulama que vous ne connaissez pas, ou des définitions que vous ne connaissez pas. Innam al-ilm bita'allum. C'est en entendant, et en répétant, et en mémorisant, et en révisant, et en entendant, etc., que quoi qu'on se familiarise à ces notions-là. D'accord? Il ne faut pas avoir une réaction, hein, d'écouter Shaitan, elle se dira, si c'est comme ça, khalas, je viens plus, c'est trop compliqué, et puis de poser questions, on est là, on ne sait pas quoi dire, on est embarrassé, etc. Non. Ibn Hazar, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ça? J'ai voulu le rapporter parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Il a dit dans le Fath, volume 1, page 87, « Ce qui m'apparaît, c'est qu'Abu Dhar a dit cela avant qu'il en connaisse l'interdiction. Et cette caractéristique de la jahiliya était donc encore en lui, comme il l'a dit dans la version rapportée par Al-Bukhari. Dans le chapitre des biensciences, Kitab al-Adab, Abu Dhar, qu'est-ce qu'il a dit? Vous voyez pourquoi c'est important de regrouper les textes. Et c'est pour ça que c'est important de revenir aux muhaddithines, parce que eux, quand ils expliquent un hadith, ils l'expliquent en fonction de toutes ces versions. Il dit, je dis à ce moment-ci, alors que j'ai déjà un certain âge, alors que j'ai déjà un certain âge, il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, oui. Ibn Hazar, il dit, comme s'il était étonné qu'il ne sache pas cela malgré son âge avancé. Et il lui a donc montré que cette caractéristique est blâmée dans la religion, et il est possible que le sens ici de jahiliya soit quoi? Le mot jahl. Le sens de jahl, c'est-à-dire quoi? Ignorance. Fin de citation d'Ibn Hazar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala. Alors par rapport à ce que je viens de citer ici, par rapport au hadith d'Abu Malik al-Ash'ari, sur les quatre choses qui se retrouvent dans la communauté, parmi les choses de la jahiliya. Eh bien, quand il a dit que celle qui se lamente, si elle ne se repent pas avant sa mort, elle sera ressuscitée le jour du jugement, comment? Avec sur elle une tunique de qatiran en arabe. Vous connaissez les maghrébins, le qatran, vous avez jamais entendu ça, le qatran? Hein? Le qatiran et une armure de gal, menjarabin. Wadir'un menjarabin. Il y a un point par rapport à ça, Cheikh Mohamed Al-Amin ibn Abdillah Al-Urmi Al-Alawi Al-Harari, il dit dans une explication de l'Authentique de Muslim, volume 11, page 150, la gale sera sur ses membres, Al-Jarab Wal-Hakka, comme on dit, sur ses membres de manière à recouvrir son corps, comme l'armure recouvre son corps. C'est pour ça que le mot dir' il a été utilisé ici. Min qatiranin wa dir'un min jarabin. Et certains ulamas ont expliqué que le goudron, qu'est-ce qu'il fait par rapport au feu qu'il le... Rapporté par Muslim dans ce hadith numéro 934. Maintenant, on a vu certains genres de hadith. Maintenant, Cheikh Bazmoul, il va rentrer dans d'autres types de hadith. « Wa min al-nusus allati ja'a wasfu man fa'ala ba'd al-a'mal bi annahu la yu'min. » Et vous en connaissez certainement. Qui sait me dire un hadith, même les enfants de Salafi School, ils le connaissent maintenant, un hadith où il y a un hadith qui dit, il ne croit pas. Il y en a un, il doit venir directement en tête. Eh, vas-y, Zakaria. Zakaria, t'as quel âge, Ba'adat? T'as 7 ans. D'accord, t'as 7 ans. T'as... Hadith. Eh, ouais. C'est pas celui-là, ça, c'est le premier hadith de Nawawi. Il est déjà en test, parce qu'ils ont un test lundi matin. Ils sont déjà en examen, là. Dans le hadith. C'est l'autre hadith, Zakaria. C'est quoi l'autre hadith? Tu connais, qui c'est qui l'a rapporté? C'est qui? T'as oublié? Al-Bukhari wa Muslim. Et qu'est-ce qu'il dit le hadith? Qu'est-ce qu'il a dit le professeur sallam? MashaAllah, Zakallahu khairan, Barakallahu fi. Ahsan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. On va le voir, on va le citer. Ça, c'est un hadith que on est censé connaître, où il y a quoi? Il ne croit pas. D'ailleurs, dans le chapitre, dans certaines versions de l'Arba'in Nawawiya, le titre du chapitre, c'est. Hein, c'est quoi? C'est le fait, en fait, c'est la négation de la complétion de la foi. Hein? Et c'est pas qu'il croit pas du tout, khalas, parce que tu veux pas le bien pour ton frère, c'est khalas, t'es un kafir. C'est pas ça qu'il faut comprendre ici. Donc vous comprenez pourquoi le cheikh ici rapporte ce genre de hadith? D'ailleurs, dans une version du hadith par Nasa, il a rapporté min khair à la fin. Tu ne voudras pas pour ton frère ce que tu veux pour toi-même comme bien. On va le rapporter dans un instant, Inch'Allah. Donc, en tout cas, et parmi les textes qui décrivent celui qui commet certaines actions comme quelqu'un qui ne croit pas, et puis il cite les hadiths. Premier. An Abi Shurayhin radiallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Combien de fois il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit trois fois. Qila, wa man ya Rasulallah. Regardez les sahaba comme ils sont harisin ala ta'allum, comme ils veulent toujours apprendre, ils ont toujours le désir ardent d'apprendre. Et nous, les salafis, c'est comme ça qu'on doit être, hein? Nous qui nous revendiquons les suiveurs des sahaba, c'est comme ça qu'on doit être par rapport à l'ilm. Wa man ya Rasulallah? Qala, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Dans muslim, vous allez trouver bawa'iqah. Hein? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? D'après Abu Shurayh, qu'à l'allégré que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. Il fut dit, qui est au messager d'Allah? Il dit, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses mots. Hein? Vous voyez qu'on a beaucoup d'ahkam par rapport au voisinage que des fois, peut-être nous-mêmes, on ne connaît pas. Rapporté par Al-Bukhari, numéro 6016. D'après Abu Huraira, le mot, le pluriel de... Hein? De mal, c'est tout. Pour que, hein? Parce que je sais, des fois, surtout pour les gens sur Internet, on n'entend pas très bien, on ne sait pas toujours de quoi je veux parler. À l'abri de ces mots, c'est-à-dire hein, le pluriel de mal. D'après Abu Huraira... An Abi Huraira, radhiyallahu anhu, qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam... Ça, c'est un hadith qu'on a déjà cité dans Usul Sunnah, pour les frères et les sœurs qui ont déjà écouté ce dars. La yizni zani hina yizni wa huwa mu'min. Wa la yashrabu al-khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Wa la yantahibu nuhbatan yarfa'u an-nasu ilayhi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. C'est important de connaître la notion parce qu'on parle des fondements de, hein, dans la croyance de Ahl-Sunnah al-Jama'a. Et que vous puissiez connaître le vrai, la vérité, et que vous puissiez réfuter les gens de Shubuhat comme le Khawarij, par exemple. Qui, eux, ne comprennent pas correctement ce genre de texte-là. D'après Abu Huraira, qu'à la grecque, il a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le fornicateur ne fornique pas en étant croyant, et celui qui boit de l'alcool ne boit pas de l'alcool en étant croyant, et le voleur ne vole pas en étant croyant, et il ne prend pas quelque chose publiquement de force et avec prédominance, en étant croyant. Pourquoi j'ai traduit ça par yantahibu, la yantahibu nuhbatan nuhba, comme on avait déjà expliqué dans un des cours sur l'Éthiopie, il a dit c'est prendre quelque chose avec force et prédominance et, de, hein, et devant tout le monde et en public, en étant croyant. Donc qu'est-ce que les Khawarij ont dit ici? Eh bien, celui qui boit l'alcool, il est quoi? Il est kafir. Et celui qui vole, il est kafir. Et celui qui fornique, il est kafir, etc. Or, c'est pas ça la compréhension des gens de la sunna du consensus. Hein? Et c'est rapporté par le Bukhari, numéro 2475, et la formulation est la sienne, et Muslim, numéro 57. Quand le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim, comment on l'appelle? Muttafaqun alayh. An Anas, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce que Zakaria, le muhadith d'aujourd'hui, vient nous rapporter, hein. Sallallahu alayhi wa sallam, yazidahu min fadlihi, wa naj'alahu min hafadati kitab Allah azza wa jal. من حفظة سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه d'après Anas que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit aucun d'entre vous ne croira, vous avez entendu le hadith hein? Aucun d'entre vous ne croira tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Moi j'ai rajouté ici comme bien par rapport à une riwaya de Nasa'i. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par aucun d'entre vous ne croira? Que si tu veux pas le bien pour ton frère, t'es un kafir? Non, pas du tout. Hein? Et cette version comme bien, elle est rapportée par le Nasa'i avec une chaîne de transmission authentique. Et le hadith lui-même que j'ai cité, il est rapporté par le Bukhari numéro 13 et Muslim numéro 45. Maintenant, le cheikh, il dit, et parmi, on a cité quoi au début? Qu'on suive encore, pour avoir cet esprit de synthèse, on a cité les hadiths, ou une description de mécréance, et après de association, puis de jahiliya, et maintenant de quoi? Un nifaq, hypocrisie, ça va? ومن النصوص التي جاء فيها ذكر أعمال وصف فاعلها بأن فيه خصلة من النفاق. Et parmi les textes où il y a une description, où il y a des actions qui sont citées, dont celui qui les commet est décrit comme ayant une caractéristique parmi les caractéristiques de l'hypocrisie, et puis il va les citer. D'après Abdullah ibn Amr, عن عبد الله بن عمر رجل عنهما, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. D'après Abdullah ibn Amr, car les agrés tous deux, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quatre caractéristiques. Si elles se trouvent en une personne, c'est alors un pur hypocrite. Et celui qui possède l'une de ces caractéristiques aura alors l'une des caractéristiques de l'hypocrisie, jusqu'à ce qu'il la délaisse. Si on lui fait confiance, il trahit. Et lorsqu'il parle, il ment. Et le sujet de la khutbah de Jumu'ah, c'est sur quoi? La sidq, la véracité. Et lorsqu'il promet, et on avait traduit un hadith, dans le Mudakirat al-Hadith Nabi al-Sharif de Sharabi, on avait traduit un hadith sur sidq. Et le hadith qu'il a cité justement. Et la yazalu rajulu yataharra sidqa. حتى يكتب عند الله صديقا ولا يزال الرجل يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. On a dit quoi ici? Que quatre caractéristiques, si elles se trouvent en une personne, c'est un pur hypocrite. Et celui qui possède l'une de ces caractéristiques aura alors l'une des caractéristiques de l'hypocrisie, jusqu'à ce qu'il la délaisse. Si on lui fait confiance, il trahit. Et lorsqu'il parle, il ment. Et lorsqu'il promet, il ne tient pas ses engagements. Et lorsqu'il se dispute, il insulte et jette de mauvaises paroles et de fausses accusations. C'est un peu long comme traduction, parce qu'en arabe c'est juste Fajara, mais j'ai traduit en fonction de l'explication de Cheikh Mohamed ibn Ali ibn Adam l'Ethiopie, volume 2, page 369. Il dit Fajara, c'est-à-dire qu'il insulte Shatama, Warama, bil Umur al-Qabiha, Wabil Buhtan, et de fausses accusations. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, numéro 34, et Muslim, numéro 58. Vous suivez là ou pas? On continue. D'après Abu Huraira, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. D'après Abu Huraira, قال الغريق il a dit, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui meurt sans avoir لم يغزو. Vous connaissez peut-être le mot غزوة, expédition, Et les ulémas expliquent la différence entre le ghazwa et le sariya. C'est quoi? J'avais expliqué dans un cours. C'est que le ghazwa, c'est celle où le prophète lui-même a participé. Et le sariya, c'est quand il a envoyé des combattants. Celui qui meurt sans avoir participé à une expédition et sans l'avoir souhaité, ou l'ami hadith biha nafsa, sera mort ayant une caractéristique de l'hypocrisie. Rapporté par Muslim, numéro 1910. Alors, Cheikh, pour les frères qui ont le livre ici en bas, il dit quelque chose, il dit, قال ابن سهم. Ibn Sahm, c'est qui? C'est le Cheikh de l'imam Muslim. Ibn Sahm. Pourquoi? Parce que c'est l'imam Muslim qui rapporte le hadith, oui ou non? Donc, qu'est-ce qu'il dit? قال ابن سهم. C'est son Cheikh. Comme l'a dit Cheikh l'Ethiopie. قال Abdullah ibn Mubarak. Donc, Ibn Sahm, il rapporte de qui? Du grand savant Abdullah ibn Mubarak, rahimahumullah, jami'an. فَنُورَا أَنَا ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَدِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ. Ibn Sahm, c'est le cheikh de l'auteur, et il est Mohammed ibn Abdirrahman, ibn Sahm, le cheikh de l'auteur qui est l'imam muslim. A dit, Abdullah ibn Mubarak a dit, nous pensons que cela était à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Certains ulama, ils ont dit que c'est général. Encore une fois, c'est pas le sujet du cours, mais c'est juste pour que vous ayez une petite idée de ce dont on parle ici. Alors maintenant, on a dit quoi? Encore une fois, l'esprit de synthèse. On a dit, on a parlé des textes où il y a une description de mécréance. Des textes où il y a une description de d'association. Des textes où il y a une description de jahiliya. Des textes où il y a une description de nifaq, hypocrisie. Et maintenant, écoutez, on met dans nos sources, l'attija afiha wasfu fa'ilin. Fa'ili ba'di l'a'mal bil bara'ati minha. Vous avez déjà sûrement entendu des textes. Fa'laysa minni, fa'laysa minna, inni bari, hein, etc. On avait déjà vu d'ailleurs dans un des cours que ça rentre en, c'est un des critères pour décrire, pour décréter que c'est un, une kabira, que c'est un grand péché. Hein? Que quand on voit que quand il y a un texte qui dit, ah, je suis innocent d'eux, je me désavoue d'eux, etc. Là, c'est un des critères pour qui décrète que c'est une kabira. Il y en a d'autres qu'on a cités, et c'est rapporté dans, sur notre site, en PDF pour les frères qui n'étaient pas là. On a traduit la position des gens de la sunna du consensus par rapport à celui qui commet un grand péché de Cheikh Ali al-Haddadi. C'est en PDF, vous pouvez le télécharger. Inch'Allah. Et parmi les textes dans lesquels il y a le fait de se désavouer, de s'innocenter de celui qui commet certaines actions. Vous comprenez un peu tout, pourquoi on parle de tous ces textes quand on parle de Nawaqid de l'Islam. Parce que quelque part, peut-être qu'on peut perdre le fil en disant, mais pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça dans Nawaqid de l'Islam? Non? Vas-y, t'as dit si alors. Maintenant, il faut savoir les textes qui font comprendre que lequel est le petit et quel est le grand. Hein? Et ouais. Et pourquoi on parle de ça? Qu'est-ce que ça va avec l'islam? Texte où il n'est pas précisé en fait. Mais pourquoi tu dis pourquoi rapporte ces textes par rapport à l'Nawaqid de l'islam? Ouais, t'as dit par rapport au cours d'aujourd'hui, mais par rapport à l'Nawaqid de l'islam, qu'est-ce que ça va voir? Quoi ça va? Mais c'est justement, pour ne pas se tromper, par en mécréant quelqu'un en utilisant un texte âme ou des fois de couf. Pourquoi aller plus loin? Pourquoi? La réponse, elle est facile. C'est les règles de tekfir. Ah! Parce que parmi dans les règles du tekfir, qu'on parle, on dit, on établit des règles et on dit que quoi? Que le kofre, il est de deux sortes, de deux types. Regardez, revenez au titre du chapitre, c'est important de garder toujours ça en tête. Dabit al-thani, al-kufr al-naw'an. Deuxième règle, le kufr est de deux types. Pour les frères qui sont profs, ils savent pourquoi je fais ça, ce genre de questions chaque fois. Hein? Tu sais ou tu sais pas? Hein? Donc on en était où? On était parmi les textes dans lesquels il y a le fait de s'innocenter de celui qui commet certaines actions. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا vous avez entendu le hadith ici ليس منا il ne fait pas partie des nôtres من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية alors c'est quoi le خدود c'est le pluriel de quoi خد c'est quoi le خد la joue les ulama ils ont quand les ulama je vais pas vous dire aller trop dans le détail mais ils définissent c'est quoi la joue dans la langue arabe, et il donne les délimitations, etc. Hein? Retourner à l'islam arabe, etc. Et les ulama disent que la joue, elle a été citée de manière spécifique, mais c'est pour tout le visage, en fait. Ou hein? Shaqq al-juyub, le pluriel de... Juyub, c'est le pluriel de quoi? Hein? Jayb. Et c'est quoi, Jayb? Une poche. Hein? D'après Abdullah ibn Mas'ud, qu'à la grecque, il a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ne fait pas partie des nôtres. Vous avez entendu ici, c'est un désaveu. Ne fait pas partie des nôtres. Celui qui se frappe les joues et déchire ses poches et appelle de l'appel de la jahiliya. Tout ça, on a parlé de ça tout à l'heure. On dit c'est quoi? C'est un sakhout. Hein? Par exemple, quand on entend quelqu'un qui meurt dans la famille, etc., qu'est-ce que certains font? Hein? Ils se tapent les joues, ils se déchirent les poches, etc. D'accord? Maintenant, est-ce que celui qui fait ça, c'est un kafir? Hein? Parce que prendre Zahir Khalas, il ne fait pas partie des nôtres, c'est-à-dire que c'est pas un musulman? Non, faut pas comprendre cela comme cela, hein, de cette manière-là. C'est faux. Vous comprenez pourquoi il rapporte tous ces textes-là maintenant? Rapporté par Al-Bukhari numéro 1294 et Muslim numéro 103. Un autre hadith. An Abi Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال: Man hamala alayna al-silaha, falaysa minna. J'ai oublié de traduire ce hadith-là. Vous voyez pourquoi je refais les notes toujours après. Ça fait depuis hier, j'ai traduit 15 pages. Je vous assure que... Allahu musta'an. On va le traduire, c'est pas grave. D'après Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agré, radiyallahu anhu, arda, d'après le prophète, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui porte l'arme ou une arme contre nous ne fait pas partie des nôtres. Et c'est un hadith qui est rapporté dans al-Bukhari, Kitab al-Fitan, et dans Muslim, Kitab al-Iman. Ensuite, un autre hadith, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام. وفق كيف تدير صبرة؟ صبرة طعام. والله يا إخوة, je vous conseille d'acheter les livres de Cheikh l'Éthiopie. والله يعني c'est un régal, صراحة. Pas loin d'ici, ils le vendent. Ils vendent. Vous voyez où je veux dire, c'est pas le Maktaba Salafia, قدر الله ما شاء الله فعل, parce qu'il fait 17 volumes. C'est l'explication de Sahih Muslim. Il n'a pas fini, j'ai dit qu'elle devrait arriver normalement à 50 volumes. Mais lisez le détail qu'il donne par rapport à tous ces mots-là. Chaque mot, il explique en long et en large, en détail, etc. Marra ala subrati ta'amin. Fa'adkhala yadahu fiha. Fanalat asabi'uhu balalan. Même le mot balal, il a défini. Tous les mots, il a défini. Fa'qala ma hada ya sahib al-ta'am. Qala asabatuhu al-sama' ya Rasulallah. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني. Et après, maintenant, on a fini de te rapporter tous les hadiths et on va rapporter l'explication de Cheikh Bezmoul et va rapporter l'explication de l'imam parmi les imams Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam. D'ailleurs, Cheikh Rajihi, il a expliqué tout le. C'est une petite risala. Quand vous voyez que c'est édité, pas que Tahrir de Cheikh Al-Albani, c'est une toute petite risala qui s'appelle Kitab al-Iman. Voilà, Al-Sunnah. Oh, vous, les gens de la Sunna, connaissez vos, les titres de vos livres. Cheikh Mohamed Al-Anjari, quand il est venu ici, il a demandé à Boukhadi, il a dit, amène-moi les jeunes de la communauté ici, qui sont les meilleurs, les Hafal Qur'an, etc., amène-moi les meilleurs. Ils les ont amenés, ils en ont amené quelques-uns, etc., et Cheikh leur a posé des questions, il a dit, qu'est-ce que tu connais comme livre de la Sunna, etc., cite-moi des titres, etc. Il a dit, tu vas chez les soufis, ils connaissent leurs livres. Ils connaissent les titres de leurs livres, etc. Il a dit, connaissez, il a dit, et Cheikh Anjari, il a dit, Inch'Allah, je vais organiser une dawra, je vais les prendre pendant plusieurs semaines chez moi, tous ces jeunes-là au Koweït, à mes frais, etc., et je vais les, Inch'Allah, je vais leur enseigner ce genre de notions-là, etc. Importance, connaissez Yahal Sunna, connaissez le nom de vos livres, connaissez le nom de vos savants. Retenez ce livre-là, Kitab al-Iman de Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam. Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam. Cheikh Al-Albani, il a fait un tahqiq, et c'est édité en un petit livre, une petite risala comme ça. Et Cheikh Rajihi, sur son site, vous trouvez l'explication en audio de ce livre-là. Alors, on traduit le hadith. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu arda, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passa, après on a dit quoi? Marra ala subrati ta'amin. Qu'est-ce que ça veut dire subrati ta'am? C'est un tas de nourriture. Alors, les ulamas ont expliqué que c'est que c'était au marché, c'était fait souk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était au marché. Comme c'est, ils ont expliqué cela en fonction de la version du hadith rapporté par Abu Uwana dans son Musnad. Est-ce que vous avez entendu ce nom-là, Abu Uwana? Vous entendez toujours Musnad Abi Uwana. C'est un des savants de la Sunna, un savant du hadith. Il a un Musnad comme l'imam Ahmed, mais c'est le Musnad de Musnad Abi Uwana. Question, pourquoi on dit Abu Uwana et on dit Musnadu Abi Uwana? Question facile pour les frères qui ont déjà fait un peu de grammaire. Ouais, c'est ça, parce que c'est un moudaf. Moudaf, il est tout simplement. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a dit que c'était au marché, il passa près d'un tas de nourriture et il y fit entrer sa main. Alors, vous ne vous posez pas la question, pourquoi il a fait entrer sa main dans la nourriture, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce que vous dites? Pas une idée, non? Vas-y. J'ai vu la fin du mot sur tes lèvres. Ah, par révélation. Ahsant. Hein? Que c'était par wahi, par révélation. Qu'il, alayhi salatu wa sallam, a fait cela comme s'il a rapporté dans la version d'Abu Daoud. Vous voyez encore une fois de toutes les versions. Hein? Abu Daoud. Qu'il a fait cela par révélation. Le prophète Asim, il a rentré sa main dans la nourriture. Et ses doigts furent touchés par Balal. Fa asabatu. Fanalat asabi'uhu balalan. Et ses doigts ont touché quoi? Hein? De l'humidité, le balal. Et il dit, ô toi le possesseur de cette nourriture, qu'est-ce que cela? Il dit, elle a été touchée par le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Hein? La pluie, comment tu comprends toi la pluie? T'as dit la pluie. Pourquoi la pluie? Ahsan, c'est juste. Mais je veux dire la raison. Par le ciel, c'est-à-dire par la pluie, parce que les Arabes, ils appellent cela aussi par le ciel. C'est un des noms qu'ils donnent. Ils disent, hein? Non. Ils disent, par la pluie, comme dans la version rapportée par Abu Awana dans son Musnad. Parce qu'il y a une autre version qui dit par la pluie. Mais le Qurtubi, il a dit que la pluie est appelée ciel, car elle descend du ciel. Voir le Mufhim, volume 1, page 300. Ça, vous n'avez pas dans le livre. Hein? Donc, je répète. Il y fait entrer sa main et ses doigts touchèrent de l'humidité. Et il dit, ô toi, le possesseur de cette nourriture, qu'est-ce que cela? Il dit, elle a été touchée par le ciel. C'est-à-dire par quoi? Par la pluie au messager d'Allah. Il dit, alayhi salatu wassalam, pourquoi ne l'as-tu pas mise? Mis quoi? La nourriture touchée par l'humidité. Hein? Au-dessus, afin que les gens le voient. Celui qui triche ne fait pas partie des miens. D'accord? Alors ici, quelques points par rapport à ça. Pourquoi j'ai traduit par nourriture touchée par l'humidité? C'est en fonction de l'explication de Charles Éthiopie, volume 3, page 225. Et le mot racha maintenant. Le mot racha, parce que le prophète, il a dit, man racha, falaysa, minni. Eh bien, racha, ça vient de min al-laban al-marchouch. Ay, ma'khoud min al-laban al-marchouch. Ay, alladhi yukhlatu bil-ma'. C'est le lait qui est mélangé avec de l'eau. Pourquoi? Afin de tricher. Il y a des Sahraouis ici ou pas? Hein? Sahraoui, toi? Tu connais Zrig? Tu connais ou tu connais pas? Hein? Qu'est-ce qu'ils font au blé de Sahara? Toi, tu connais, non? T'as pas t'entendre, toi? Hein? Qu'est-ce qu'ils font pour augmenter le lait? Hein? Qu'est-ce qu'ils font pour augmenter le lait? Dans les mariages, etc. Ils le coupent ou ils rajoutent de l'eau? Hein? Ils font ça ici? Et c'est pas pour la même raison. Hein? Donc on a vu des cas, ça vient du lait marchouche. C'est-à-dire mélanger avec de l'eau afin de tricher. Hein? Alors, j'ai peut-être lisse, Cheikh l'Éthiopie l'a dit. Maintenant, l'explication de tous ces hadiths. فهذه الأحاديث المراد منها أن من فعل هذه الأمور لا يستحق اسم الإيمان المطلق. إنما هو مؤمن. Quoi? ناقص الإيمان, comme on avait dit l'autre fois. مؤمن فاسق. أو مؤمن ناقص الإيمان فليس هو من المؤمنين المحمودين الموعودين بالجنة ابتداء بل هو من أهل الوعيد. وعيد سيكون avait dit menace par rapport, contrairement à الوعد, qui est quoi? La promesse. On avait dit qu'il y a des textes نصوص الوعيد, les textes de menace, et نصوص الوعد, les textes de promesse. Et Al-Sunnah regroupe les deux. On va traduire déjà ce point-là. Le sens de ces hadiths. Maintenant, c'est important de se concentrer. On a cité tous les hadiths, on les a compris, alhamdoulilah. Maintenant, quel est le sens de cela? Par rapport à ce que Cheikh a rapporté tous ces hadiths, parce qu'il explique quelque chose. Le sens de ces hadiths, c'est que celui qui commet ses actions n'est pas en droit de recevoir le nom de foi absolu, l'iman al-mutlaq. Ism, l'iman al-mutlaq. Mais il est un croyant pervers. Mais il est toujours quoi? croyant. Donc j'avais déjà dit un nom que les ulama donnent à ce genre de personne, al-fasiq al-milli. Ahsant, al-fasiq al-milli. C'est-à-dire qu'il est fasiq, mais il fait toujours partie de millat al-islam. On avait dit aussi quoi? Mu'min fasiq ou mu'min naqis al-iman. Mais il est un croyant pervers ou un croyant qui a une foi diminuée et donc il ne fait pas partie des croyants dont l'éloge est fait et à qui a été promis le paradis directement. Mais ils font partie des gens menacés, min ahl al-wa'id. Ou si vous voulez, des gens de la menace. Maintenant, il continue, il dit, وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمِ بْنُ سَلَامِ هَدِي الْأَنْوَعَ الْأَرْبَعَ مِنِ الْأَحَادِثِ وَذَكَرَ تَأْوِيلَاتِ النَّاسِ لَهَا وَلَمْ يَرْتَضِي مِنْهَا شَيْئًا ثُمَّ فَسَّرَهَا بِمَا ذَكَرْتُهُ لَكَ. Qui sait me dire pourquoi يَرْتَضِي, ici il y a une kasra, il n'y a pas d'ya. L'âme. L'âme quoi, l'âme? Majzoum. Eh ouais, c'est ça l'arab. Il est pas complet ton arabe. Vas-y. Je te vois, tu fais ça. Vas-y, termine. Niabatan. Ah, pourquoi? Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam a cité ces quatre catégories de hadith et a rapporté les interprétations de ces hadiths par les gens et on a accepté aucune puis les a expliquées par ce que je t'ai dit. Ce qu'il a dit Cheikh Bazmoun. Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam, قال Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam رحمه الله, et maintenant on va rapporter la parole de Abu Ubayd رحمه الله. فهذه أربعة أنواع من الحديث. Quatre genres de hadith. Vous les connaissez maintenant, c'est quoi? Et quoi? Ouais, sur, hein, et sur. On avait dit, hein, mais on avait, les avait cités ensemble, ça, oh là là, hein. Puis quoi? Puis. Nifaq, zid, et puis. Et puis là, on a قد كان الناس في على أربعة أصناف من التأويل أصناف من التأويل فطائفة تذهب إلى كفر النعمة وثانية تحمل على التغليظ والترهيب وثالثة تجعلها كفر أهل الردة ورابعة تذهبها كلها وتردها فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة لما يدخلها من الخلل والفساد وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه. أبو عبيد القاسم بن سلام قال لي فاس ميزيكور ديل دي dans son kitab l'Iman. Ce sont donc quatre catégories d'ahadith dont les gens qu'ils ont interprétés sont de quatre catégories. Un groupe qu'il explique comme étant le déni d'un bienfait, ce qu'on appelle kufr al-ni'ma. Un deuxième groupe qu'il explique comme étant pour montrer la sévérité de ses actions et pour effrayer. At-tarlid wa tarhib. Un troisième qui dit que c'est la mécréance d'apostasie. Là, vous êtes même, vous-même capable de réfuter ça, hein. Un quatrième qui les rejette tous, qui rejette tous ces ahadiths. Cheikh l'imam Abu Ubayd, il dit, tous ces avis sont pour nous rejeter et pas accepter. En raison de ce qu'ils contiennent comme manquement et comme corruption. Et ce que nous avons dans tout ce sujet, c'est que les désobéissances et les péchés ne retirent pas une foi et ne rendent pas obligatoire une mécréance, mais ils nient la réalité de la foi et sa pureté, par laquelle Allah a décrit ces gens et qu'il a mis comme condition pour eux à plusieurs endroits de son livre. Et si quelqu'un venait à dire, فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَإِسْمُ الْإِيمَانِ غَيْرُ زَائِلٍ عَنْهُ قيل هذا كلام العرب. Regardez les ulama comment ils expliquent les choses. Écoutez, c'est très intéressant ici. هذا كلام العرب المستفيد عندنا من غير المستنكر في إزالة العمل عن عمله إذا كان عمله على غير حقيقته. ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا ولا عملت عملا، وإنما وقع معناها هنا على نفي التجويد. التجويد ici c'est pas la science du تجويد hein, c'est le fait d'être précis dans une action, de bien faire une chose. يعني الإتقان التجويد لا على الصنعة نفسها، فهو عندهم عامل بالاسم وغير عامل في الإتقان، غير عامل في الإتقان حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا. وذلك كالرجل ذلك كالرجل يعق أباه، عياذا بالله من ذلك، ويبلغ منه الأذى فيقول ما هذا، ما هو بولد، وهم يعلمون أنه ابن صلبه، ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك. وإنما مذهبهم في هذا المزايلة من الأعمال الواجبات عليهم من الطاعة والبر، ومن النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسماؤها. فكذلك هذه الذنوب التي ينفي بها الإيمان إنما أحبطت الحقائق منه، إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته. فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك، ولا يقال لهم إلا مؤمنون وبه الحكم عليهم. Comment une question que le cheikh pose, il dit si maintenant quelqu'un vient te dit hein, si quelqu'un venait à dire, comment est-il permis de dire il n'est pas croyant alors que le nom de la foi ne lui a pas été retiré? Cheikh, il va donner un point ici. Il a été dit que les paroles des Arabes sont nombreuses chez nous, sans que quiconque désapprouve cela, qui indique la suppression d'une action de celui qui l'a fait si son action n'est pas conforme à sa réalité. Il va donner des exemples pour illustrer ça, Inch'Allah. Ne vois-tu pas qu'ils disent au sujet de l'artisan, s'il n'est pas précis dans son travail, tu n'as rien fabriqué, hein? Et tu n'as fait aucun travail, hein? Et donc ici, le sens n'est ici que de nier quoi? Le perfectionnement. Et pas de nier le travail lui-même. Pour eux, il est donc celui qui a fait le travail en termes de nom, mais pas en termes de perfectionnement. À tel point qu'ils ont dit à son sujet encore plus que cela. Et de même, l'homme qui désobéit à son père et arrive au degré de lui causer du tort. Qu'est-ce qu'il dit son père? C'est pas un fils. Hein? C'est pas un enfant. Est-ce qu'il est en train de nier le fait que c'est un enfant et que c'est son enfant? Hein? Non, évidemment. Alors qu'ils savent, hein, que c'est son propre fils. Il est dit au même sujet du frère et de l'épouse. Hein? Ouais, c'est pas une femme, hein? Hein, c'est pas une femme. Mais bien sûr que c'est une femme. Hein, c'est pas une épouse. Bien sûr que c'est une épouse. Hein? D'accord? Donc qu'est-ce qu'il voulait ici? Il est dit de même au sujet du frère et de l'épouse et de l'esclave. Le sens de cela est pour eux la dissociation des actions qui leur sont obligatoires comme l'obéissance. Quant au mariage, à l'asservissement et aux filiations, c'est en fonction de ce sur quoi sont leurs noms et leurs places. On arrive à la fin. فهذه الآثار كلها وما كان مضاهيا لها فهو عندي على ما فسرته لك وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا فليس منا. لا نرى شيئا منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ملته، إنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا وهذه النعوت وما أشبهها. وما أشبهنا. وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قوله ليس منا ليس مثلنا، وكان يرويه عن غيره أيضا. فهذا التأويل إن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني لا أراه، من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يصير من يفعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا فرق بين الفاعل والتارك، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم عديل ولا مثل من فعل من فاعل ذلك ولا تاركه، ولا مثل لا عديل ولا مثل من فعل ذلك ولا تاركه. يبين نوت دو باج كذا أنكر هذا التفسير الإمام أحمد رحمه الله للعلة نفسها، انظر المجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله. Et avec ça on aura est-ce qu'on aura fini? Non, on n'aura pas fini. Je rajoute un petit peu inchallah. Ça va, c'est pas trop long, on a 1h14 là. Il en est de même, écoutez, c'est important de rester concentré, il en est de même quant à ces péchés qui nient la foi. Car leur réalité a annulé les législations qui font partie des caractéristiques de la foi. Quant au nom, ils restent comme ils l'étaient avant cela. Et on ne les appelle que par le nom de croyants, et c'est en fonction de ce nom qu'on les juge. Tous ces textes et ceux qui leur sont similaires sont pour moi en fonction de ce que je t'ai expliqué. Et de même pour les hadiths dans lesquels il y a le fait de se désavouer, comme sa parole sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait telle ou telle chose ne fait pas partie des nôtres. Nous ne voyons rien dans ces hadiths dont le sens est le désaveu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni de sa religion. Le sens de cela n'est pour nous qu'il ne fait pas partie des obéissants envers nous, ni de ceux qui nous prennent comme modèle, ni de ceux qui préservent nos législations. C'est qualificatif et similaire. Et Soufiane ibn Uyayna, qui est un grand savant parmi les savants de la communauté, expliquait la parole « il ne fait pas partie des nôtres » par « il n'est pas identique à nous ». Et il rapportait cette explication d'autres que lui. Vous allez voir que Al-Qasim Abid Musalam, il n'est pas d'accord avec cette explication, et l'imam Ahmed non plus, comme c'est rapporté par Ibn Taymiyyah. Et cette explication, même si elle émane d'un imam parmi les imams de la science, je n'ai pas cet avis. Car s'il considère, écoutez, regardez le cheikh comment il va expliquer ça, car s'il considère celui qui commet cela comme n'étant pas identique au prophète, alayhi salatu wassalam, cela implique, qu'est-ce que cela implique? Que celui qui ne commet pas ses actions est alors identique au prophète, alayhi salatu wassalam. Ou sinon, il n'y a alors pas de différence entre celui qui commet cela et celui qui ne le commet pas. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a personne qui lui soit identique ou égal, alayhi salatu wassalam. Ni celui qui commet ses actions, ni celui qui les délaisse. L'imam Ahmed rahimahullah, comme on a dit, il a réprouvé cette catégorisation pour la même raison, voir le recueil de Fatawa d'Ibn Taymiyyah, volume 7, page 525. Et puis, cher, il va un peu conclure tout ce qu'il a dit ici, il va donner encore un peu mieux illustrer tout cela, et il dit, فَهَذَا مَا فِي نَفِي الْإِيمَانُ وَالْبَرَاءَةِ مِنَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إنما أحدهما من الآخر وإليه يؤول وما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحوا مما وجدنا في النوعين الأولين وأما الفرقان الشاهد عليه من التنزيل فقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون سورة المائدة قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس بكفر ينقل عن الملة وقال عطاء بن أبي رباح كفر دون كفر فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم على ما أعلمتك من الشرك سواء لأن من سنن الكفار الحكم غير ما أنزل الله ألا تسمع قوله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون سورة المائدة تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في أمور الجاهلية ومثله الحديث الذي يروى في سنن الجاهلية وكذلك الحديث في خصال المنافق. Alors qu'est-ce que veut dire Cheikh Mazmour ici, حفظه الله تعالى? Voilà donc ce qui concerne la négation de la foi et le désaveu du prophète عليه الصلاة والسلام. L'un vient de l'autre et revient à lui. Maintenant, si je vous pose la question, qu'est-ce qu'on comprend de ces textes-là? Quelqu'un vous pose la question, ou même quelqu'un il vous dit, eh bien, on comprend que c'est les gens qui font ça, c'est des koufars. Vous êtes d'accord ou pas? Non. Et vous savez lui répondre maintenant. D'accord? Quant au texte rapporté qui cite la mécréance et l'association et le fait que tous deux sont obligatoires en fonction de péchés, le sens de cela est chez nous, n'est pas qu'ils affirment à ceux qui commettent ces actions une mécréance ou une association, qu'ils lui retirent complètement la foi. Mais le sens de cela n'est rien d'autre que ce sont des comportements et des traditions sur lesquels sont les mécréants et les associateurs. Et nous avons trouvé à ces deux genres des preuves du Coran et de la Sunna à l'identique de ce que nous avons trouvé pour les deux premiers genres. Puis il va donner une preuve du Coran. Il dit quant au discernement, au Furqan, qui témoigne de cela dans le livre d'Allah, c'est la parole d'Allah dont la traduction du sens est, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah fait descendre, les voilà les mécréants. Et on entend beaucoup les tekfiris, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Hein? Il n'y a pas de tafsil. Une fois, je me suis retrouvé en Égypte, quand je travaillais dans, quand j'avais mon mektaba, etc. Hein, je vais aller chez des grossistes, etc. Et pour ce qui était autre que les livres, etc., ou même pour certains livres, je devais aller dans les autres que chez les salafis, etc. Et je me suis retrouvé dans un quartier de tekfiri. Hein, j'étais tout seul en plus. Et je me retrouve dans une mosquée, et je vois beaucoup de frères, l'apparence de la sunna, le nom de la sunna, etc. Et une personne qui est devant moi, et pendant que je fais mes achats, etc., et il me dit, et moi je lui pose la question, je lui dis, il y a un shir là qui enseigne, il dit, oui, il y a un shir, c'est un shir de la sunna, etc. Je dis, ah, qu'est-ce qu'il enseigne? Il dit, ah, il enseigne, il enseigne l'iman, il enseigne tout ce que tu touches l'iman, le kufr, l'aqida, etc., avec de bons livres, etc. Je lui dis, qu'est-ce qu'il dit sur, Oman lam yahkum bima anzalallah, fa'ulakum ul kafirun? Je lui pose directement la question. Je dis, il n'y a pas de tafsir. Je dis, il n'y a pas de tafsir. Hein? Je dis, qu'est-ce que tu fais du tafsir de Ibn Abbas? Il m'a regardé, il est parti. Il n'a même pas répondu. Hein? Vous voyez, c'est un fariq, ça. Ça, c'est une règle chez les gens de la sunna, c'est le tafsir d'Ibn Abbas. Hein? Il n'a même pas répondu. Il m'a regardé, il est parti. Hein? Regardez ce que les gens de la sunna disent. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah fait descendre, les voilà les mécréants. Surat al-Ma'ida, verset 44. Ibn Abbas, quand il les a gré tous deux, a dit, ce n'est pas une mécréance qui fait sortir la religion. Hein? Il y a un tafsil qui est, on va, c'est pas le sujet du cours, mais il y a un tafsil chez les gens de la sunna, etc. Et on est obligé de faire ce tafsil-là. Hein? On a cité Ibn Abbas, d'accord, et on va citer maintenant Ata ibn Abi Rabah. Il a dit, écoutez bien, c'est quoi? C'est un kufr d'una kufr. C'est une mécréance mineure. Et vous avez, comme je l'ai dit dans un des cours, les tekfiris, toujours systématiquement, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils diront, le Asad Ibn Abbas, il est quoi? Edaif. Et ils, hein, attention, ils ont des chouboites, hein. On va pas rentrer, on pourrait faire ça une fois si vous voulez, dans la chaîne de transmission, etc. Un tel, il a pas entendu d'un tel, etc. Hein? Oh, mais Cheikh Al-Albani a dit, mais un tel, c'est l'élève d'un tel, et entre eux deux, il n'y a que deux personnes. Ou c'est celui-là, ou c'est celui-là, et les deux sont fiqa. Hein? Et le hadith, il est, et l'affaire, il est sahih, selon les conditions du Bukhari ou un musulman. Ah, t'as quelque chose d'autre. Et en plus, il est accepté, bil ijma' chez Al-Sunnah al-Jama'a. Hein? Mais ils essayent. Et je vous ai dit que même, j'ai déjà entendu certains qui en arrivent au point de critiquer Ibn Abbas, en disant anhuma. Hein? Et à faire passer leur compréhension au-dessus de la compréhension de quoi? Ibn Abbas qui est l'exégète du Coran. Pourquoi? En raison de Turjama le Coran, de la dua du prophète Sassoum qu'il a fait pour lui. Et Cheikh dit, nous avons déjà vu que ce qui ne fait pas sortir de la religion, alors l'islam reste dans son état, et c'est même s'il est accompagné de péché. Et le sens de cela n'est donc que de se différencier des mécréants et de leur voix. Il en est de même quant à ce que je t'ai déjà fait savoir au sujet de l'association, car il fait partie des traditions des mécréants de juger par autre que ce qu'Allah a fait descendre. N'entends-tu pas la parole d'Allah dont la traduction du sens est? Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'il cherche? Le mot c'est quoi ici? Jahiliya. C'est quoi son explication maintenant chez les savants de l'exégèse du Coran? Mais son explication, c'est les savants, l'exégèse du Coran, est que celui qui juge par autre que ce qu'Allah a fait descendre, alors qu'il est musulman, il est alors concernant ce jugement comme les gens de la Jahiliya. Et cela que parce que les gens de la Jahiliya jugeaient de cette manière. Et il en est de même pour sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, sur les choses de la Jahiliya. Et de même pour le hadith rapporté sur les traditions de la jahiliya. Et de même pour le hadith concernant les caractéristiques de l'hypocrite. Je vous conseille vraiment, tout ce qui touche au tekfir et de ça, Cheikh Al-Albani, rahmallah. On avait l'habitude de casser les dos des tekfirines, hein, de manière virtuelle, hein, c'est métaphore, hein. On ne cassait pas vraiment leur dos, hein, en leur reproduisant les mêmes débats qu'on fait avec Cheikh Al-Albani. Je ne vous conseille pas de débattre avec les tekfirines, mais des fois on était obligé à certaines situations, etc. Hein. Cheikh Al-Albani lui a posé une question. Il a dit, maintenant, il y a un hakim, un juge. Il juge par la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Il juge par la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il a fait une erreur du jugement dans un des points, sur un jugement. C'est un kafir ou pas? Il est obligé de dire quoi? Il est obligé de dire non. Le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Hakam al-hakim ou fajtahada fa asa falahu ajran. Ou idha hakam al-hakim ou fajtahada fa akhta falahu ajran wahid. Le prophète a dit que si le juge, il juge, et qu'il fait une erreur, qu'il a fait un ijtihad et qu'il se trompe, il est récompensé pour son ijtihad quand même. Fa akhta'a, le prophète a dit, fa akhta'a. Donc il est obligé de dire non. Il a dit, mais non, s'il en fait deux. Et puis il a été comme ça avec lui, et trois, et quatre. Il a dit, il a dit, et quand tu le rends mécréant en fait? Il n'a pas su répondre. Donc il est revenu, il a tout expliqué à ce moment-là. Cheikh Al-Albani, il les faisait réfléchir, il leur montrait le haq d'une bonne manière. Vous connaissez l'histoire où Cheikh Al-Albani, il a débattu toute une nuit des tekfiri, il ne priait pas derrière lui, après le fajr, ils les ont pris derrière lui. Vous ne connaissez pas cette histoire? Il faut écouter les cassettes de Cheikh Al-Albani, il les rencontre lui-même. C'est pour ça que d'ailleurs, les têtes du tekfir actuel, ils détestent Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et ils essaient toujours de l'accuser de l'irja. Même certains, ils vont jusqu'à le juger mécréant, carrément, mais ils essaient de donner l'accusation de l'irja, etc. D'ailleurs, j'ai traduit deux défenses de Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Taymin par rapport à Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et à l'époque, en Belgique, j'avais pris une grande feuille et j'avais mis la croyance de Cheikh Al-Albani dans un tableau, dans une colonne. La croyance de Cheikh Al-Islam Al-Taymiyya, la croyance d'Aqida al-Sunna al-Jama'a dans une autre colonne, chaque fois une colonne, et puis l'Aqida al-Murji'a. Et on voyait en fait que dans tous les points, Cheikh Al-Albani était conforme à Cheikh Al-Islam, et à l'Aqida des gens de la Sunna al-Jama'a, et opposé à al-Murji'a. Alhamdoulilah, il y a un frère qui passait de visite, parce qu'à l'époque je l'avais mis quelque part, sans citer de nom, on l'avait retiré, on ne voulait pas le mettre, etc. Et un frère de France, il l'avait vu, il a dit, tu peux me le donner, je vais le mettre dans notre mosquée en France. Et j'ai plus jamais revu cette grande affiche, mais à la kulli hal. Et c'était vraiment de manière flagrante que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il contredit le Murji'a dans tous les points. Donc vous ne laissez pas avoir, parce qu'il rentre dans des détails qu'on ne maîtrise pas toujours. Cheikh Al-Albani, c'est un salafi, c'est un sunni parmi les imams de la sunna. Certains ulama, ils l'appelaient le lion de la sunna, bihaq, à cette époque-ci. Et parmi les gens qui l'ont accusé de cela, c'est Safar Hawali, Salman Aouda et ces gens-là. Pourquoi? Parce que Cheikh Al-Albani les a réfutés. C'est quelqu'un qui vous dit, Cheikh Al-Albani, l'irja, éloignez-vous de lui comme de la peste. C'est soit quelqu'un qui ne connaît pas, qui écoute. Ce que disent les Hizbiyoun. Celui-là, c'est facile. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui montres les paroles de l'ulama, il va comprendre. Soit c'est un Hizbi, écarte-toi de lui. Même s'il se revendique salafi, même s'il dit du matin au soir, je suis salafi. Écarte-toi de lui. Cheikh, il dit, ليس وجه هذه الآثار كلها من الذنوب آثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا هو مؤمن بالله وما جاء من عنده ومؤدي لفرائده ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب وفي السنة ليتحاماها المسلمون. أوكي. De toute façon, il ne reste qu'une seconde ou deux, une minute ou deux. يتحاماها المسلمون ويتجنبوها فلا يتشبه بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم. Et on a fini avec ça la parole de Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam dans le Kitab al-Iman, page 38 à 46. En résumé, comme il a dit, parce que Cheikh Bazmoul, il a résumé ça, en fait. Cheikh, il dit, il ne faut pas comprendre tous ces textes concernant les péchés que celui qui les commet est alors un jahil, un ignorant, ni qu'il est mécréant, ni qu'il est hypocrite. Alors qu'il croit en Allah et en ce qui vient de lui et qu'il s'acquitte de ses obligations, mais le sens de cela est qu'elles soient clarifiées comme faisant partie des actions des mécréants et qu'elles sont illicites et interdites, comme cela est dit dans le Coran et la Sunna, et ce afin que les musulmans y prennent garde et s'en écartent, et que donc ils ne les imitent en aucun comportement et en aucune législation. Et on a fini, comme j'ai dit, la citation de Kitab al-Iman d'Abu Ubayd, page 38 à 46, de manière résumée par Cheikh Bazmoul. Dernier paragraphe, et j'aurais voulu terminer ce chapitre parce que tout va ensemble, mais ce ne sera pas possible aujourd'hui. Inch'Allah, la semaine prochaine. فالمراد في هذه الأحاديث وأمثالها أن فعل هذه الأمور قد عدم الإيمان الذي يستحق به النجاة من العذاب ويستحق به تكفير السيئات وقبول الطاعات وكرامة الله ومثوبته، وبه يستحق أن يكون محمودا مرضيا، وليس في أن فعل هذه الأمور عدم الإيمان الذي يستحق به أن لا يخلد في النار وبه ترجى له الشفاعة والمغفرة وبه يستحق المناكحة والموارثة. انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية المجلد السابع الصفحة 76 بعد 600. Donc on a dit quoi ici? Le sens donc de ces hadiths, et ça va être la conclusion pour aujourd'hui inshallah, et des hadiths similaires, est que celui qui commet ces actions n'a pas la foi par laquelle il mérite d'être sauf du châtiment, et que ses péchés soient effacés, et que les actes d'obéissance soient acceptés, et la générosité d'Allah et sa récompense, par laquelle il mérite d'être loué et agréé. Il n'y a pas dans ces hadiths que celui qui commet ces actions n'a pas la foi par laquelle il mérite de ne pas être en enfer éternellement. Et en raison de laquelle on espère pour lui l'intercession et le pardon. Et en raison de laquelle il a le droit de se marier et d'hériter et qu'on hérite de lui. Et on a fini le cours pour aujourd'hui. Wallahu a'lam wa subhanakum wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et je pense qu'il nous reste quoi? Une demi-page, une page et demie. 2 pages et demie, presque 3 pages, avant de finir ce dabit, cette règle de tekfir numéro 2, et après on fera 3, 4, inshallah, et 5, peut-être entier ou en partie, on verra inshallah, ou 4 en partie en tout cas, et certainement pas 5, wallah alam. Ça va?